Tic tac, le temps passe, je me réveille. Tic tac, le temps passe, je me réveille. Faut arrêter de parler sans m'en rappeler. Mes amis, je peux plus les compter là. Et puis je les vois plus quand y a les caméras. Je suis mariée, pas besoin d'allier. J'ai pas de manière comme Kimi Kenny.